Question 38. Dans cette situation, je dois me rabattre. Réponse A. Je reste dans cette voie pour dépasser le camion. Réponse B.